Négro sort du Tux, genre full espèce. Bédos plus faux bec, en cas d'ombre et en de l'est. Y'a plus de soucis dans la famille, non. Personne quand j'étais en hesse. 34 centimes dans le compte en banque. Aujourd'hui resto, j'paye toujours en tous ensemble. Dans la valise, dans la valise, dans la valise. Dans la valise, dans la valise, dans la valise. Mucho dinero, mucho dinero. Mucho dinero. Dans la valise, dans la valise, dans la valise. Dans la valise, dans la valise, dans la valise. Mucho dinero, mucho dinero. Mucho dinero. Pas plus raciste que le géant, un ami noir. Complexe de taille de bite dans l'urinoir. Un gros cul peut cacher le visage d'un prince. En deux projets, je me tape déjà toute la France. Ça saoule comme quand ton plan cul se met en coupe. Depuis que t'es morte, la vie ne vaut plus qu'elle me coûte. Des larmes, des fois j'en verse. On t'aime sauf quand tu perces. Tu parles que tes classiques d'antan, c'est que c'est mort. Si le beat me demande vraiment plus d'efforts. La mort n'a pas de guest. Jamais. J'partirai que si j'y reste. Dans la valise, dans la valise, dans la valise. Dans la valise, dans la valise, dans la valise. Mucho dinero, mucho dinero. Mucho dinero. Dans la valise, dans la valise, dans la valise. Dans la valise, dans la valise, dans la valise. Mucho dinero, mucho dinero.